Cours numéro 6. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-'allama al-shaykh Abdul Rahman ibn Nasir al-Si'di rahimahullah ta'ala wa fi Sunan Abi Dawud an Abi Umama radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahabba lillah وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Donc dans ce hadith, النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله, celui qui aime pour Allah, وأبغض لله, celui qui déteste pour Allah, وأعطى لله, il donne pour Allah, ومنع لله, s'il donne pas c'est pour Allah, فقد استكمل الإيمان. هذا il a une foi complète, une foi très très élevée. قال فالحب والبغض في القلب والباطن والعطاء والمنع في الظاهر. On est toujours dans le premier chapitre dans lequel الشيخ رحمه الله il a cité plusieurs hadith pour prouver, pour montrer أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. أن la foi c'est des paroles, des actes et bien sûr c'est dans le cœur. من هذه الأحاديث ce hadith الحب والبغض c'est dans le cœur. Aimer, détester c'est un acte du cœur. Donner et priver c'est un acte avec les membres. Et le Nabi sallam قال فقد استكمل الايمان. Ça nous montre que l'iman c'est des adorations du cœur et des membres, la langue et les membres. قال واشترط فيها كلها الاخلاص الذي هو روح الايمان ولبه وسره. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لله من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله. Ça nous montre ان الشرط الاساسي, la condition principale pour qu'une œuvre elle soit acceptée, quelle que soit cette œuvre, une parole, un acte du cœur, un acte avec les membres, la bud min al-ikhlas, la sincérité. Et la sincérité, c'est quoi? Le Nabi sallam il a expliqué dans ce hadith, man ahabba lillah. La sincérité, c'est que tu fasses pour Allah. C'est ça la sincérité. Qala falhub fillah an yuhibba Allah wa yuhib ma yuhibbuhu min al-a'mal wal-awqat wal-azman wal-ahwal. وَيُحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَأَتْبَاعِهِمْ. Il a commencé par expliquer la première partie du hadith, الحب في الله. أن يحب الله. Bien sûr, pour aimer في الله, il faut aimer Allah. Et ça fait partie des fondements de l'Iman. الحب أو حب الله سبحانه وتعالى. Aimer Allah عز وجل. وَيُحِبْ مَنْ يُحِبُّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ. Et si هذا الحب il est صادق, celui qui aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il aimera ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Donc l'iman c'est d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et كذلك c'est aimer tout ce que Allah il aime, que ça soit des a'mal. مثلا Allah subhanahu wa ta'ala يحب التوابين يحب المتطهرين. Allah subhanahu wa ta'ala il aime ceux qui font tawba. Donc on aime le repentir. Allah il aime al-mutatahirin. On aime al-tahara, la purification. Ou al-awqat. Allah subhanahu wa ta'ala il aime le mois de Ramadan. La preuve, il a élevé ce mois par rapport à tous les autres mois. Allah il aime les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala il aime la période avant le Fajr. La preuve, il descend et il dit man yas'aluni fa u'tiyaha, etc. Al-hadith fi sahih. على كل حال هذه الأوقات on les aime. Pourquoi? Parce que Allah il les aime. والأحوال كذلك les situations. ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم كذلك من الإيمان. Bien sûr aimer Allah on le répète c'est la base, et كذلك aimer ceux que Allah سبحانه وتعالى il aime. Allah il aime ses prophètes et ses messagers عليهم الصلاة والسلام. Enfin on aime ses prophètes et ses messagers كلهم كذلك on aime ceux qui suivent les prophètes et les messagers. Et à notre époque, vu que tout le monde doit suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, parce que son message, il a abrogé tous les messages suivants, enfin à notre époque, on doit suivre les suiveurs du prophète alayhi salatu wa salam. Si Wahad dit lakin les juifs, les chrétiens, les suiveurs de Isa et de Moussa, on dit à notre époque, les juifs et les chrétiens, c'est pas des suiveurs ni de Moussa ni de Isa alayhi salatu wa salam. لماذا لأن عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام ils ont appelé au tawhid. Les juifs et les chrétiens de notre époque c'est des mushrikoun. Ils adorent autre qu'Allah. Ils prétendent que Uzair c'est le fils d'Allah, ils prétendent que Isa c'est le fils d'Allah, et ça c'est du kufr et du shirk. ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont prétendu qu'il a un enfant. Hada awwalan. Thaniyan, les juifs et les chrétiens, même s'ils ont reçu un message auparavant, un messager et un livre, Moussa, il a reçu la Torah, Isa, il a reçu l'évangile, l'injil, lakin à notre époque, pour être croyant, il faut croire en Isa, en Moussa et en leur livre, et kadhalik à notre prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam. Et la sharia qu'on doit suivre, c'est la sharia du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc, on doit aimer les croyants. Et à notre époque, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les croyants, c'est ceux qui ont cru au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et au Coran. Et bien sûr, tous les messagers avant et tous les livres. قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. C'est ça le délit. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a juré, il y a n'importe quel juif ou chrétien qui entend parler de lui, عليه الصلاة والسلام, ثم لم يؤمن به, ثم il ne croit pas en lui, et là il fait partie des gens de l'enfer. فلا تغتر plutôt بي الكذب والدعاوى الكذبة, qui sont propagés. On est tous des frères, on est tous des croyants. Là, les croyants, c'est les suiveurs du prophète, alayhi salatu wasalam. Et on aime les suiveurs du prophète, alayhi salatu wasalam. La ghayr. Amma les kuffar, min yahoud wa nasara, on applique qawlu an nabi salatu wasalam, wa abghada lillah. Qala al-shaykh sa'di, wa al-bughdu fillah. Détester en Allah, an yubghida kullama abghadahu min kufr wa fusuq wa isyan. Détester tout ce que Allah il déteste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste le kufr. Wa la yarda li'ibadihi le kufr. Et al-fusuq wa al-isyan. Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste le fusuq, la perversité, l'isyan, les péchés. Qala azza wa jal, wa karraha ilaykum al-kufr wa al-fusuq wa al-isyan. Habba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufr wa al-fusuq wa al-isyan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas pour nous al-kufr wa al-fusuq wa al-isyan. On doit détester ces choses. Qala wa yubghidha man yattasif biha aw yad'u ilayha. Et on doit détester, vu qu'on déteste la mécréance et l'égarement, les péchés, l'innovation, etc., on doit détester ceux qui ont hadhihi al-awsaf, ay la mécréance aw al-fusuq wa al-isyan, kadhalik al-bid'a. On doit les détester fillah, chacun par rapport à son égarement. Al-kuffar, on les déteste totalement, c'est des kuffars. Et si c'est un fasiq, un asim min al-mu'minin, on le déteste par rapport à sa mukhalafa. Et on l'aime parce que c'est un croyant. Et ça, c'est une fa'ida. Tu as trois cas. Tu as des personnes que tu dois aimer totalement. Al-anbiya, wa al-mursalin, wa atba'ihim. Ceux-là, tu les aimes fillah. Tu as des personnes que tu dois détester totalement. Al-kuffar, min yahoud, wa nasara, wa mushrikin, tu les détestes complètement. Tu as des personnes, tu les aimes parce que c'est des croyants et tu les détestes en même temps pour les péchés ou les innovations qu'ils font. Haoula, c'est al-usa ou al-mubtadi'a min hadhihi al-umma. Les pécheurs ou les innovateurs de cette communauté. Et ce tafsil, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il l'a expliqué dans plusieurs livres. Wa taqaddam ma'ana dans les durus de tawhid ou de aqidah. Qala wal-ata. Donc, pour finir le point précédent, donc on doit détester Ha'oula. Comme akhbar Allah Azza wa Jal, qala subhanahu la tajidu qawman yu'minuna billah wal yawm al-akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasoulah. Ça c'est min sifat al-mu'minin. La tajidu qawman, tu ne trouveras pas un peuple yuwadduna man hadda Allah. Aimer ceux qui délaissent la religion d'Allah et de son prophète alayhi salatu wa salam. Et dans ce hadith, man ahabba lillah wa abghada lillah. À la fin, faqad istakmala al-iman. Ça nous montre que hada, ça fait partie de notre foi. On doit faire attention à toutes ces idées répandues. Hein. Le fait de détester les kuffars, de détester les mécréants, c'est de l'extrémisme, c'est du radicalisme, ça va pousser au terrorisme. Na'oudou billah. Na'oudou billah. Al-mu'min, khasatan, celui qui connaît son dîn, qui suit sunna, il déteste les kuffars et c'est pas un terroriste. Est-ce que ça veut dire détester, être injuste là? Tu peux détester un kafir et avoir un bon comportement, bien sûr ne pas lui faire du mal, mais l'aider dans certains cas, min bab ad-da'wa, comme il a fait an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, est-ce qu'on les aime dans notre cœur? Là, tant que c'est un kafir, on le déteste par rapport à hadha al-wasf. Lakin, le comportement, ne pas être injuste, etc., bel, il faut faire des efforts dans le bon comportement, etc., min bab ad-da'wa. Pas en espérant qu'il nous donne, en espérant qu'il parle bien de nous. Hadha, ça change rien, là. Là, si on a un bon comportement, c'est pour qu'ils embrassent l'islam. Et s'ils détestent l'islam, et ils ne veulent pas embrasser l'islam, alhamdulillah, comme on les déteste avant, on les déteste après. On vit à une époque, ils combattent ce point jitten, al-kuffar. Et ça fait partie de notre din. Al-bourdouvillah, ça fait partie de la foi. Donc on doit faire attention, on doit apprendre notre din et on doit éduquer nos enfants à la hada. Amma, l'égalité, la fraternité, on est tous des frères, il faut aimer son prochain. C'est pas min da'wat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, abadan. Et c'est que du kadib, c'est que des mensonges. Tu crois qu'entre eux ils s'aiment? Wallah, ils se détestent. Tel pays déteste tel pays, des choses politiques, commerciales. Wallah, tu trouves entre eux, dans le même immeuble, le voisin il déteste l'autre. C'est que du kadib. Ils veulent nous transmettre hadal kufr, cette mécréance, pour nous faire du mal à notre dîn. Amma, tu demandes à n'importe quel kafir, est-ce que tu aimes tout le monde? Abadan. Le kafir, il aime et il déteste par rapport à quoi? Par rapport à. Il peut détester son voisin, pourquoi? Parce qu'il fait du bruit. Parce qu'il ne lui dit pas bonjour. Parce que c'est un raciste ou autre. Enfin, leurs principes corrompus, ils vont fonder leur amour et leur haine par rapport à ça. Nous, on met en application qu'on aime et on déteste comme tout le monde, mais on a des principes par rapport à Allah. Enfin, pourquoi quand c'est eux, c'est tout à fait normal, mais pourquoi nous, on sort de cette normalité, les mains là, nous, on aime et on déteste pour din. Et les kuffars, ils sont connus pour Hada. C'est exactement la même chose, maintenant, pour la polygamie. Hum, ils appliquent Hada. Et le fait de fréquenter plusieurs femmes, c'est pas de la polygamie. Lakin, fréquenter plusieurs femmes, indahum, avoir une maîtresse comme Ayakoulon, etc., tromper, pour certains, c'est une fierté. Il a réussi à avoir Fulana. Quand c'est au nom du din, avec un aqd shar'i, avec un contrat, et chacun il a son haqq et avec justice, pour eux, c'est du radicalisme, ça ne se fait plus, ils combattent hada. Alors qu'ils font du fasad, la ya'lamuhu illallah. Et hagada, tu peux prendre plein de points hagada, quand c'est eux, ils l'acceptent, quand c'est nous, ils diabolisent. Et les ma'ala, les anahum, ils font partie de jounours de shaitan, des alliés du diable. Akhsahumullah. Qalu wal ata. يشمل عطاء العبد من نفسه كلما أمر به مثل قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى هذا يشمل جميع ما أمر به العبد لا يختص بالعطاء المالي بل هو جزء من العطاء نعم العطاء donné pour Allah ça peut être de l'argent ça peut être autre فأما من أعطى واتقى et من أفضل parmi les meilleures choses que tu puisses donner aux autres أخي الكريم c'est العلم la science. Et d'aller parmi les choses que tu peux donner aux autres, c'est ton bon comportement. Enfin, al-ata, c'est pas que l'argent. Voilà. L'argent, c'est comme qu'a dit le c'est une partie. قال وكذلك مقابله المنع. المنع c'est l'inverse de l'ata, le fait de priver de ne pas donner. قال وبهذه الامور الاربعه يتم للعبد ايمانه ودينه. Tu veux avoir un iman qawi? Tu veux faire augmenter ta foi, donne de l'importance à ces quatre points. Apprends ton din, apprends l'aqida, apprends l'iman. Aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et prive pour Allah. Et tu verras que ton iman y montera. وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن, le croyant, من أمنه الناس. Hey, c'est quand les gens ils sont à l'abri de lui par rapport à leur sang et leur bien. Hey, c'est celui qui ne fait pas de mal aux autres en faisant couler leur sang, en prenant leur bien. C'est ça le mu'min. Il y a un autre hadith dans le même sens. Et il est fi sahih al-muslim. Man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Le muslim, c'est celui que les autres muslims ils sont privés de son mal avec sa langue et ses mains. Ça nous montre quoi? قال الشيخ يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهى عن الخيانة. Ça nous montre que ces choses, ça fait partie de la foi. Donc la foi, c'est pas que dans le cœur là. Même ces actes, même le fait de délaisser de faire du mal aux autres, ça fait partie de l'iman. قال حتى يطمئن إليه الناس ويأمنونه ويأمنونه نعم ويأمنونه نعم ويأمنونه على Donc en tant que mu'min, fais attention. Fais attention de ne pas être la cause de faire couler le sang d'un innocent et d'être la cause de prendre ou de faire perdre les biens d'un innocent. تبين معنى الإيمان وحقيقته. On a fini, ولله الحمد, tous les adillah, plusieurs hadith, plusieurs versets sur la signification de la foi, la réalité de la foi. Après avoir cité tous ces hadiths, il a conclu بقوله وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته وأنه كما قال الحسن وغيره. الحسن البصري رحمه الله, الإمام من أئمة السنة, ليس الإيمان بالتمني والتحلي ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. تعريف وكلام جميل. الحسن قال ليس الإيمان بالتمني والتحلي. الإيمان c'est pas que une prétention, c'est pas qu'une apparence, ولكنه ما وقر في القلب, لابد que ça soit dans le cœur, et le fruit de هذا الإيمان, c'est les œuvres. Mais celui qui prétend avoir la foi, il ne fait aucune œuvre, il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'écarte pas du shirk, il ne fait pas salat, il ne prononce pas shahada, etc. هذا كاذب في دعوة. Et celui qui met en application عياذا بالله, لكن il ne croit pas, هذا c'est النفاق الاعتقادي. فالإيمان ليس بالتمني. L'iman, ce n'est pas une prétention. Comme on l'a répété plusieurs fois, ce n'est pas une étiquette. Ce n'est pas une origine. Ce n'est pas un tel, il dit, t'es un mu'min. Là. Celui qui est un mu'min, c'est celui qui applique les hadiths qu'on a vus. Il croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, au destin. Et كذلك, il met en application هذا l'iman. هذا هو المؤمن. Et il n'annule pas ce iman avec un annulatif de la foi, comme le shirk, comme le fait d'insulter Allah, comme beaucoup d'annulatifs qu'on a étudiés plusieurs fois. قال في الأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان وبها يتحقق. هذا كلام عظيم. Ça nous prouve quoi? Ça nous prouve que الأعمال الظاهرة والباطنة, ça fait partie de la foi. La foi, elle est composée de trois choses: croyance, parole et acte. Donc ça fait partie de la foi. وبها يتحقق. Et qu'est-ce que ça fait partie des fruits de cette foi. Et qu'est-ce que c'est une cause pour faire augmenter ta foi. كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله وأن الله حكيم رحيم في تقديرها وأنه أعلم بمصالح عبده هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. قال فحذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر وذلك السبب وذلك بسبب إيمانهم. فالأعمال من الإيمان من جهة ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى والله الموفق. هذا كلام جميل. Donc la foi, ça fait les œuvres plutôt, ça fait partie de la foi, ça fait partie des fruits كذلك, ça fait partie des لوازم. Hey, si tu as la foi, ça va impliquer une mise en application. Et كذلك هذا الإيمان يزداد. Plus l'insane met en application, plus sa foi, elle va augmenter. Wala shak. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim. Ça nous montre ماذا? Ça nous montre anna al-iman, c'est une cause pour que tu sois guidé. Allah subhanahu wa ta'ala, il te guide bi sabab imanik. Ça nous montre, on a celui qui fait des efforts dans son din, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guidera. قال وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها. نعم, ce verset أخبر الله عز وجل أنه il allait pas ضيع leur إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم, ليضيع إيمانكم أي que votre foi, si on prend mot à mot, تضيع, elle ne soit pas pris en compte. Pour comprendre ce verset, il faut comprendre سبب النزول. Pourquoi ce verset a été révélé? Et Cheikh Saadi رحمه الله أشار هنا أن beaucoup de مفسر من المفسرين, ils ont expliqué أن الإيمان هنا c'est بمعنى الصلاة. ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. Pourquoi c'est la salat? قال بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها بيت المقدس قبل النسخ حيث مات أناس من المسلمين قبل أن ينقل أن تنقل القبلة إلى الكعبة. Pourquoi? لأن au départ القبلة c'est en direction de بيت المقدس. القدس جيروزاليم. ثم الله سبحانه وتعالى il aura ordonné de se diriger en direction de Mecca, au sud de Medina. Alors qu'au départ ils étaient à Medina, ils faisaient la salat en direction du nord. As-sahaba qui sont morts avant, ils n'ont pas pu faire salat en direction de al-qibla. قال فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم. بعضهم ils ont dit mais هؤلاء ils sont morts, ils n'ont pas fait la salat comme nous en direction de al-qibla. فأنزل الله هذه الآية. فالله il a révélé ce verset. وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أي ce moment où ils faisaient salat en direction de al-maqdis, c'était ça l'obligation. Et ils ont rempli l'obligation. قال وذلك هو الإيمان. Et c'était cela la foi. تأملوا. Cette salat qui est composée bien sûr d'une intention dans le cœur, avec une croyance, la sincérité, on l'a fait pour Allah. Qu'est-ce que des paroles, Al-Fatiha, les adhkars du ruku', du sujoud, etc. Qu'est-ce que bien sûr des actes avec les membres, le fait d'être debout, le fait de s'incliner, de se prosterner, etc. Allah il a appelé cette salat iman. Ça c'est min aqwal adillan al-iman, c'est des paroles, actes et une croyance dans le cœur. Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, dans son livre très très profitable, Sahih al-Musnad min Asbab al-Nuzul, il a rassemblé tous les hadiths authentiques pour lui, rahmatullah alayhi, sur Asbab al-Nuzul. Asbab al-Nuzul, c'est les causes de la révélation. Et عند قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم, il a cité le hadith que l'imam Bukhari il a rapporté عن البراء رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا. Donc durant 16 mois, il a fait la salat en direction de بيت المقدس. قال أو 17 شهرا. نعم, 16 mois أو 17 mois. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. Donc pendant qu'ils étaient en salat, النبي صلى الله عليه وسلم il a reçu la révélation et ils se sont tous, ils ont délaissé la direction de Bayt al-Maqdis et ils se sont dirigés en direction de Mecca. Un homme qui a fait salat avec النبي صلى الله عليه وسلم, après il est sorti et il a trouvé des gens dans un autre masjid, des compagnons qui faisaient salat, et ils étaient en position de rukou', ils étaient inclinés. Il leur a dit ashhadu billah laqad sallaytu ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam qibla makkah. Il a dit ashhadu billah, je témoigne par Allah azza wa jalla qu'on a fait salat avec le prophète sallallahu alayhi wasallam en direction de Mecca. Voilà, il y a une faida, un naturel droit de parler avec quelqu'un qui fait salat si c'est pour quelque chose de profitable. Il n'a pas dit j'attends qu'il finisse la salat. Là, il leur a parlé alors qu'il faisait salat. Donc si c'est pour quelque chose d'important, de profitable, dont le moussalli il a besoin, il n'est pas en direction de la qibla. Il s'est trompé. Tu lui parles, même s'il fait la salat. T'attends pas qu'il finisse. Et ouais, il se remet en direction. قال لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. كذلك, une faïda importante, أن الصحابة, ils ont accepté son témoignage. Ça nous montre le témoignage d'une personne de confiance, on l'accepte. Kadhalik fihi anna, on a le droit de faire des gestes fi salat. Mathalan huna, ils se sont bougés fi salat. Pourquoi? Parce que c'était lié directement à la salat. Mathalan, c'est permis de se rapprocher de la sutra. Si tu es au masjid et quelqu'un qui était ta sutra, il se lève, et si tu fais un ou deux pas pour te rapprocher d'une autre sutra, fi hadha al-hal, c'est permis. Qala وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم. ثم rapporteur du hadith البراء رضي الله عنه قال يدي الزم من الصحابة رضي الله عنهم qui étaient morts avant que la qibla change de sens et on savait pas quoi penser. انزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم الله il a révélé ce verset, أن leur salat elle est prise en compte et ça fait partie de leur foi. Et ils ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala au moment où ils étaient encore en vie. Thomas, ça a changé après leur mort. Hum, ils ne sont pas concernés. Radiyallahu anhum. Raji' asbab al-nuzul de Cheikh Mokbil. Et le hadith, il est sahih al-Bukhari. Il a cité ce hadith, akhrajahu fi kitab al-Iman. Dans le livre de l'Iman. C'est au début du sahih. قال رحمه الله وهذه الآية فيها بشارة كبرى وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين. قل ذلك الإيمان أو كثر. Ça c'est une, comme قال بشارة عظيمة كبرى pour chacun de nous, pour les mu'minouns. أن tant que tu es sincère et que tu œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne pourra te retirer ta récompense. لأن الله عز وجل il est juste. تأمل على الفان du verset قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Allah il est miséricordieux. Tout ce que tu as fait min khair, tu le trouveras عند الله سبحانه وتعالى. Il y a beaucoup de versets في هذا المعنى. قال قل ذلك الإيمان أو كثر كما ورد في الحديث الصحيح إن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. أساس من رحمة الله أن هؤلاء من المؤمنين العصاة qui rentreront en enfer à cause de certains de leurs péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur pardonnera pas certains péchés. Donc, ils feront un passage en enfer. Thumma, après avoir été purifiés, Allah subhanahu wa ta'ala, il les fera sortir de l'enfer. Mais à Naoum, ils n'ont pas beaucoup œuvré, lakin, ils avaient l'iman. Ça montre que هذا الخير, ça leur a été utile. قال, وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل فخطأه معفو عنه وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. Ça nous montre l'importance de niya, l'importance d'avoir une bonne intention. Même si tu te trompes, même si tu as mal compris et sincèrement tu voulais te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu voulais vraiment suivre le Nabi alayhi salatu wa sallam, lakin tu t'es trompé. Ou tu avais l'intention de faire une chose sincèrement et tu ne l'as pas faite, tu es récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est une erreur que tu as faite avec une bonne intention et tu ne savais pas et tu pensais vraiment suivre le Nabi alayhi salatu wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne. ولهذا قال الله عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Celui qui se trompe ou qui oublie, il n'est pas pris en compte. Allah, il lui pardonne. Ça, c'est une rahma. Et c'est une ni'ma azima pour nous. C'est un énorme bienfait. قال الله على لسان نبيه قد فعلت. نعم. كما جاء في الحديث. Dans la note de bas de page, أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. هذا الدعاء que Allah, il a cité في القرآن. أي qu'il ne nous prenne pas en compte si on oublie ou on se trompe. Dans le hadith authentique, قال عز وجل قد فعلت أي نعم je ne vous punirai pas, châtirai pas si vous vous trompez ou vous oubliez. وفي الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. لا شك هذا أن الحاكم ça c'est pas pour tout le monde, c'est أهل الاجتهاد من العلماء والحكام qui font un effort d'interprétation dans une chose et ils se trompent, ils ont une récompense pour leur erreur. Et s'ils ont juste, ils ont deux récompenses. La récompense de l'ijtihad et la récompense d'avoir juste. Ah, mais s'ils se trompent, ils n'ont qu'une récompense pour leur ijtihad, pour leur effort. Ne pas comprendre dans le hadith, on fait des efforts et on fait des fatawa, on se met en avant. Et si on se trompe, on a une récompense. Abadan. Celui qui ne fait pas partie de l'ahle l'ijtihad, de l'ulama, il se met en avant. Hada, il a des péchés. Hada, il est à la khatr azim. Qala Allah Azza wa Jal. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Tu ne dois pas t'avancer par les sans ilm. Par les sans ilm, c'est min al-kaba'ir. Donc, hada, c'est pour ahle l'ijtihad. Ce n'est pas tout le monde. Comme il a démontré l'imam al-Shawkani, rahmatullah alayhi, et d'autres savants. Qala, wa kadhalik man nawa amalan salihan wa harasa ala fi'lihi wa man'ahu mani' min marad au safar au ajz au ghayriha. كتب له ما نواه من ذلك العمل كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه. Et ça c'est une autre bouchera. On a celui qui a l'intention de faire un amal salih, une adoration. Lakin, il a un udr, une excuse qui l'empêchait de faire هذا العمل. مثلاً, مرض, il est tombé malade. Il avait l'habitude de jeûner, il est tombé malade. Il avait l'habitude de faire qiyam al-layl, il est tombé malade, il ne peut pas cette nuit. Ou safar, ou il voyage. Il a eu un voyage, et t'as on a un voyage, tu ne peux pas faire certaines choses. Tu es occupé, la fatigue, etc. Ou ajz. L'ajz, ça englobe même ceux qui ont atteint un certain âge. Maintenant, un musulman, il avait l'habitude de jeûner lundi et jeudi, thumma, à cause de l'âge, il ne peut plus. Il reste encore 10 ans en vie, pendant les 10 ans, il est récompensé les lundis et jeudis. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est juste. Et ce mu'min, il pourrait, il continuerait. Ça nous montre l'importance de niya, إنما الأعمال بالنيات. قال كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الحديث نعم في الصحيحين. لا لا لا, لا. الشيخ سعدي قال كما ثبت في صحيح مسلم, المحقق قال أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. فسأسأل فائدة ونكوريج سيد ديجا كوريجي دون لتحقيق وجي, لكن سيكون كون باسيت كوريكسيون ينبهون هنا أن هذا وهم من الشيخ سعدي سينيغا. الحديث اللي في صحيح البخاري اللي با في صحيح مسلم: من مرض celui qui tombe malade ou qui voyage كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. Toutes les œuvres qu'il avait l'habitude de faire quand il était en bonne santé résident, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit la récompense. قال ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد. كذلك est concerné celui qui à cause de la vieillesse ne peut plus faire certaines choses et il avait cette intention de faire cette œuvre, il est récompensé. هذا فضل العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. Donc on a fini ce premier chapitre qui était assez long et on résume ce chapitre. أنه ذكر رحمة الله عليه au début la définition de la foi, أنه قول وعمل واعتقاد, et c'est une croyance dans le cœur, des paroles avec la langue, des actes avec les membres. ثم ذكر رحمة الله عليه plusieurs versets du Coran, plusieurs hadiths pour argumenter, pour montrer عقيدة أهل السنة concernant l'Iman. Et alhamdulillah, aujourd'hui on a fini هذا الفصل, et à partir du prochain cours inshallah ta'ala on commencera le فصل suivant sur زيادة الإيمان ونقصانه, أي le fait que la foi l'augmente et elle diminue. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.